Ouais, salut Blockbuster, et merci pour l'émission sur les Gremlins. Et surtout, doucement, caca. Bonjour, ben moi j'ai appelé pour préciser une petite chose sur les Gremlins. C'est qu'à mon avis, ben c'est des communistes. Tout comme Godzilla représentait la bombe atomique sur les Japonais, moi je pense que les Gremlins c'est une parodie du Péril Rouge. C'est tout simplement une bande de communistes sauvages qui viennent massacrer notre fête capitaliste de Noël et foutre tout en l'air. Salut les Oui, monsieur Sigriste, merci pour cette émission sur les Gremlins, qui est sans doute un de mes films favoris, et le 2 qui est encore pour moi, mais au-dessus de tout. Moi, c'est un truc qui a fait aujourd'hui, je pense, l'homme que je suis. C'est-à-dire avoir un côté de l'humour, un côté de l'action, et tout ça dans un savant mélange avec la patte de Joe Dante, qui était juste fabuleuse. Donc voilà. Et je voulais dire aussi, comment vous avez pu laisser dire un de vos invités? Bon, super votre émission d'hier, al dente. Salut l'équipe Blockbuster, super émission sur les Gremlins, film que j'ai vu à l'âge de 10 ans. Et depuis, j'ai une question qui me taraude, à partir de quelle heure peut-on nourrir un mogwai? À partir de quel moment de la journée peut-on considérer qu'on n'est plus après minuit? Bon, bah ce soir, c'est sushi et Gremlins avec les filles. Bon, allez, à bientôt, ciao. To be or not to be, not to be. Je vais vous parler de François et Sophie. François et Sophie, ce sont les parents de la meilleure amie de ma fille. Alors, il n'y a aucune garantie de s'entendre avec les parents des amis de ses enfants. Hein. Par exemple, ma fille et son amie ont une amitié principalement basée sur l'amour des petits poneys et Miraculous Ladybug. Bon bah François et moi, si on se met à parler de Fluttershy ou de Chat Noir et Marinette, j'ai remarqué, on tient beaucoup moins longtemps qu'elle. Néanmoins, et c'est une chance, on s'entend bien. François est même venu me voir en spectacle, et il a aimé! Ce qui le place d'entrée de jeu dans ma catégorie très personnelle des gens au goût sûr qui gagnent à être connus. De plus, on partage une passion pour le parfum capiteux des spiritueux au crépuscule de notre quotidien. Ce qui est une manière un peu pompeuse de dire qu'on kiffe les apéros. Lors de nos agapes parentales, il n'est pas rare que l'on échange sur nos goûts musicaux respectifs qui sont, je dois dire, très très différents. Déjà, François et Sophie ont un critère très pointu de sélection de leurs chanteurs, ils sont tous en vie. Alors que chez moi, la playlist est beaucoup moins fraîche. Brassens, Barbara, Bowie, Jackson, Mercury, c'est pas un iPod, c'est une morgue. D'ailleurs, je veux pas l'inquiéter, mais j'ai de plus en plus envie d'écouter Renaud. Toujours est-il que François, lui, il est fan de Supertramp. Et lorsqu'il m'en a parlé, j'ai eu l'indélicatesse de laisser échapper un « connais pas ». Tu connais pas Supertramp? Tu connais pas Supertramp? A-t-il répété avec la virulence d'un papa taliban qui vient de découvrir le compte Instagram de sa fille? François m'a immédiatement fait écouter quelques morceaux. 79 pour être précis. Et évidemment, évidemment que je connaissais Supertramp. Tout le monde connaît Supertramp. Et c'est depuis lors que j'ai voulu répondre à cette question qui me taraude. Comment ce groupe a-t-il pu composer autant de chansons plus connues qu'eux-mêmes? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. On surfe à travers la vie et on va si vite qu'on ne peut pas voir toutes les stupidités qui sont arrivées ces 10 dernières années. Alors, on continue. On n'a pas à suivre telle ou telle mode, on n'a qu'à être simplement nous-mêmes et faire notre truc à nous. En 1969, le claviériste Rick Davies, grâce au mécénat d'un millionnaire néerlandais, donne naissance à ce qui sera la première des multiples formes que prendra Supertramp. C'est le recrutement de Roger Hodgson, initialement à la basse et au chant, qui créera le noyau dur de ce que sera Supertramp. Si les débuts sont difficiles et si les musiciens entrent et sortent du groupe, c'est en 1979 que Supertramp connaît la consécration avec l'album Breakfast in America, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Pour revenir sur le parcours de ces faiseurs de tubes, j'ai avec moi Alistair, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien et rédacteur en chef de la revue Schnock, dont le numéro consacré au bronzé est toujours disponible en librairie. Tout à fait. Avec nous également Geister, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alias Gaël Benyamin, vous êtes auteur, compositeur, chanteur et producteur. C'est bien ça. Et avec nous, on ne la présente plus mais si quand même, on va le faire parce qu'on est poli. Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour, vous savez que mon animal totem, c'est le mogwai. C'est vrai? Oui, ouais, parce qu'il ne faut pas que je boive après minuit. Oui, d'accord, je vois l'image, je comprends. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse sur France Inter dans l'émission Par Jupiter. Ensemble, on va retracer l'histoire de Supertramp, de leur formation à leur séparation. On évoquera leurs plus grands succès, leurs méthodes de travail. On parlera évidemment de ce binôme magique formé par Rick Davies et Roger Hodgson. D'ailleurs, quand je parlais de séparation, je parlais surtout de ton départ à lui. Qui est à l'origine de quoi? On verra qu'outre une série de tubes, Supertramp a aussi influencé pas mal de groupes jusqu'à aujourd'hui. Y a-t-il des héritiers de Supertramp? On a une petite heure pour répondre à cette question. Now I am not attached to it. Maintenant, j'en suis détaché. Le nom Supertramp appartient désormais au public. Il est dans les esprits et dans les cœurs de tous. C'est devenu un mythe. C'est l'amour que porte le public à Supertramp qui le fait vivre. Si un jour cela disparaît, Supertramp n'a plus raison d'être. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say. C'était évidemment un extrait de Bloody Well Right, qui est tiré de l'album Crime of a Century, sorti en 1974. D'ailleurs, je tiens à préciser aux éditeurs, je vais faire beaucoup de mal à la langue anglaise durant non, toute cette bien, émission. Non, c'est bien, moi, j'aime beaucoup. Moi. Merci Mélanie, ça va être horrible, hein, je le sais. Alors, avant toute chose, j'aimerais savoir, Alistair, d'où vient Supertramp? D'où vient Supertramp? Oui, d'où vient? Comment s'est créé le groupe? C'est, comme vous l'avez dit au début, c'est un groupe qui part de la personnalité de Rick Davies, qui est un joueur de clavier à la fin des années 60, qui décide de monter un groupe de plutôt de soul, blues, soul. Hein. C'est, au début, ça part comme ça. Il lance une annonce dans, je sais plus, c'est New Musical Express, enfin un journal, Melody Maker. Et le jeune Roger Hodgson répond immédiatement. Et autour de ce couple, il va se créer pendant 3-4 ans une rythmique qui va changer, machin. Ils font deux albums qui passent complètement inaperçus au début. Avant, en effet, le troisième, Crime of the Century, dont on vient d'écouter Bloody Well Right et Dreamer avant, qui sont les extraits. Et là, le groupe prend vraiment sa dimension et commerciale et critique. Au début, ils sont très appréciés par la presse. Donc voilà, c'est surtout la rencontre en fait de Rick Davies et de Roger Hodgson qui, dès le début, font une paire à la Lennon-McCartney en fait, en signant tous les morceaux. Et ils fonctionnent un peu comme le noyau dur du groupe, quoi. Alors, Mélanie Bauer, quand j'ai préparé cette émission, quand j'ai découvert Supertramp, quand j'ai découvert que je connaissais Supertramp surtout, je me suis rendu compte que c'était un groupe qui faisait naître des étoiles dans les yeux des fans de Supertramp de manière assez irréelle. Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pour ma génération. Donc, on a grandi dans les années 70 avec toutes ces pochettes de disques un peu médiévales, ces artistes avec je pense au Pink Floyd par exemple. On avait tous ces sons qui étaient vraiment le son de nos parents, qui était compliqué, qui était psychédélique, qui était étrange. Genesis avec Peter Gabriel, c'était très étrange. Et puis arrive Supertramp. Et Supertramp, bon, effectivement, deux premiers albums avec des pochettes tout aussi horribles que ce qu'on avait vécu durant notre enfance. Mais c'est vrai que, par exemple, Breakfast in America, c'est vraiment le moment où on est réconcilié avec la musique de nos parents, où cette musique prog rock devient pop. Et c'est l'arrivée du sax, et c'est l'arrivée de tout ce son qui, pour nous, adolescents, écoutions la pop à la radio, et ben voilà, ça crée un lien avec toute notre éducation 70s et psychédélique. Geister, est-ce que vous avez vécu l'écoute des albums de Supertramp comme une sorte de transmission avec la musique des parents? Alors j'ai découvert ça assez tard, enfin assez tard, j'avais 20 ans, mais on n'était plus en 1980. Donc j'étais un gros fan des Beatles. Je retrouve beaucoup d'ingrédients Beatles dans Supertramp, dans les mélodies, dans la construction des chansons. Mais comme l'a dit Mélanie, il y a quelque chose. Je pense que c'est eux qui ont démocratisé l'utilisation des claviers dans le rock. Avant eux, il y a eu les Doors, mais il y avait une approche un peu plus jazz, un peu plus barrée. Eux, c'était vraiment très pop, mélodique, très joyeux en fait. Et ça a souvent une connotation un peu ringarde dès que c'est un peu joyeux. Mais là, ils ont réussi à passer cette barrière qui était à la frontière du ringard en fait. Et c'est ça qui est cool chez eux, je trouve. Voilà. La frontière. Oui, pour certaines personnes, oui, c'est vraiment. Non, mais on passe c'est kitsch. Ah ouais, parfois il faut éviter de citer ce groupe dans certaines soirées, je n'aimerais pas. Mais oui, il y a un côté un peu ringard, ce qui est complètement idiot, parce que c'est. Parce que c'est quand même des tubes, c'est tube sur tube quand on réécoute. Ah, c'est ça aussi qui crée le côté ringard, c'est que ce sont des tubes. Ah, c'est de la musique commerciale, voilà. Oui. Le côté ringard, je sais pas. Ce qui est intéressant, surtout dans Supertramp, c'est le look des mecs et la musique qu'ils font pour moi. C'est-à-dire, c'est une musique assez sophistiquée et assez compliquée quand même, l'air de rien, même si c'est accessible et tout ça. Et le look des mecs qui sont un peu des nobodies, hein, qui portent bien parfois leur nom, hein, les super clochards, quoi, qui font pas attention, voilà. Et puis les gens sont incapables de reconnaître. Je pense que Rick Davies et Roger Hodgson se font pas emmerder dans la rue, quoi. Hein. Ils ont un côté geek, en fait. Oui, sans doute. Et ce qui se retrouve beaucoup dans leur musique, c'est très sophistiqué, comme tu disais. Et effectivement. Et donc c'est quand même un des premiers groupes No Face. Pink Floyd était un peu comme ça aussi, hein. Je pense que, bon, peut-être plus maintenant, mais pendant un moment, Pink Floyd c'était un concept. Oui, où les morceaux parlent plus que l'identité des musiciens ou des chanteurs. Et que la reconnaissance visuelle, quoi. Et puis c'est pas un groupe de copains qui s'est rencontré au lycée, c'est pas des personnalités extraordinaires, c'est un groupe qui a été construit de toutes pièces et qui finalement, bon, à part effectivement ses cheveux longs, on disait que les fans de Supertramp ne perdent pas leurs cheveux. Oui, me regardez pas comme ça, Mélanie, j'ai bien compris le message. J'ai découvert Supertramp sur le tard, ça se voit. En vieillissant, ils ont gardé leurs cheveux et ils ont gardé cette espèce de look. Alors on a Rick Davies qui a cette espèce de grosse tête de gars qui fait du R&B un peu ringue. Et puis Roger Hodgson qui lui est tout maigre et un petit peu effacé, un petit peu plus jeune, qui est plus dans un trip pour le coup psychédélique. Et puis après l'arrivée du sax avec John Helwell qui lui a des lunettes, est rouquin, c'est ça qui fonctionne dans Supertramp. Alors c'est un blockbuster consacré à Supertramp, donc il me semble pas totalement aberrant d'écouter du Supertramp. Donc on va écouter Goodbye Stranger, tiré de l'album Breakfast in America, sorti en 1979. It was an early morning yesterday, I was up before the dawn. Enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth. I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. just can't tell. Some they will and some they won't, some it's just as well. You can laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind me. C'était Goodbye Strangers. Vous écoutez toujours Blockbuster sur France Inter et nous sommes toujours avec le musicien Alistair, la chroniqueuse Mélanie Bauer et l'auteur-compositeur Geister pour évoquer la carrière de Supertramp. Pensez à tous ces peintres morts dans l'indifférence totale. Jusqu'au bout, ils ont créé des œuvres majestueuses. Par contre, la majorité des groupes de rock à succès d'hier qui ont connu la gloire et la richesse ont-ils vraiment besoin de travailler aujourd'hui? Combien font encore de la musique de qualité? Quand on commence à avoir une certaine notoriété, que l'argent coule à flot, qu'on peut s'acheter ce qu'on veut, on se vide de l'intérieur. L'art vient de la souffrance. You go soft. Alistair, on vient d'entendre Roger Hodgson parler de son rapport à la souffrance. C'est vrai que par rapport au côté un peu festif de leur musique, il y a une forme de mélancolie assez profonde, notamment chez lui. Oui, chez lui, oui. Notamment chez lui. Alors, je ne sais pas de quelle année date cette interview, mais... 2008. Ah. Alors, c'est étonnant ce qu'il dit, parce que du groupe initial, c'est finalement le dernier qui continue à tourner et à vendre, entre guillemets, puis à faire des concerts, c'est des concerts greatest hits, hein, c'est tube sur tube et tout ça. Donc c'est un paradoxe qu'il y a chez lui. Et le morceau qu'on écoute, qui est un truc quand même assez de bon temps, sympa, marrant et tout ça, c'est Hodgson qui l'a écrit. Donc je pense qu'il doit avoir une... c'est de la schizophrénie totale. Oui, il l'a écrit quand il avait 18 ans, c'est ça. Oui, et en même temps, du groupe, c'est celui qui est le plus spirituel, le plus... on va dire le plus... celui qui a pris de la drogue. Ça, je sais pas, mais c'est celui qui a écrit Babaji, qui est un peu... Je veux pas avoir la tête d'une église dans votre tête, Mélanie. Dans l'hindouisme, qui sur scène avait deux petites clochettes accrochées à son micro. Enfin, voilà, mais il a ce côté très anglais aussi, assez McCartney, à la Paul McCartney, cette chanson le montre. Donc, il y a une espèce de dichotomie, mais qui fait que le groupe fonctionne aussi, je pense. Et Geister, on entend musicalement, c'est extrêmement riche, c'est très travaillé. Tout à fait. Ouais, bah. En même temps, je dis ça, j'y connais strictement rien, mais j'ai beaucoup aimé l'aplomb avec lequel j'ai dit cette phrase. Non, mais on sent qu'il maîtrise extrêmement bien l'harmonie. Il y a toute l'harmonie jazz qui s'y retrouve, notamment avec l'utilisation des claviers. Quand c'est Rick Davies qui joue, on sent qu'il maîtrise complètement le piano, quoi. Et effectivement, il y a tout l'aspect production est très important aussi dans ce groupe. C'était dans ouais quand ils ont commencé à sortir, je pense surtout à Crime of the Century. Ah, moi je le dis pas pareil, mais c'est, j'ai compris. C'est la production commençait à prendre le dessus dans la musique à ce moment-là. D'ailleurs, ça correspond aussi à l'avènement de la chaîne EFI dans les foyers, le Walkman qui est apparu un peu plus tard en 80. On commençait vraiment à apprécier la musique en tant que son, au-delà des chansons. Et Supertramp est vraiment dans cette branche-là, je trouve. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une connaissance des évolutions technologiques, oui, qui a favorisé leurs expérimentations musicales. Et les arrangements, la production, le son de la batterie, le son de la basse, ce genre de choses qui ont commencé à prendre beaucoup d'importance à l'époque. Et après, il y a eu le disco, là, la rythmique. Enfin, le son est très important à cette époque-là. Enfin, ça commence à être très important. Alors qu'avant, jusqu'à fin 70-71, on était très... très axé sur les chansons. Le paramètre de la production existait, mais d'une manière non dite. Il y avait les musiciens qui arrangeaient leurs morceaux, mais il n'y avait pas forcément un producteur qui était là pour avoir un son particulier pour le groupe. Et Supertramp, je trouve que c'est un bel exemple d'un groupe qui a évolué à cette période où la production prenait le dessus. Mélanie Bauer, oui. Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après Supertramp, musicalement? Ah, alors ça, c'est une vraie question. J'en fais des fausses, oui, aussi, alors, des fois, mais là, j'avais décidé d'en faire une vraie. Fallait prévenir. Un avant et un après Supertramp, oui, probablement, parce qu'effectivement, on est passé de la fin des années 70 avec ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce son très, très organique, très progressif, pour aller vers un son plus pop, quelque chose effectivement qui va nous emmener dans les années 80 avec l'utilisation massive du saxophone, avec ces grands shows à l'américaine gigantesques, avec des sons et lumières incroyables. On entre dans de la pop musique très produite, très travaillée, voilà, et puis effectivement l'arrivée des chaîne avec les clips vidéo, les films, MTV, etc. Et quand on voit d'ailleurs ce qui est arrivé à Rick Davies sur la fin de Supertramp, où il est allé jusqu'au bout de la production, puisque à la fin il travaille avec des boîtes à rythme, il fait quasiment de la musique de club et les musiciens jouent quasiment plus ensemble, ils s'enregistrent chacun de leur côté. C'est d'ailleurs la fin du groupe. C'est effectivement un moment où on va changer la vision de la pop musique. Et Roger Hodgson, avant même de travailler avec Rick Davies, a failli avoir une carrière avec Elton John. Non. Si, j'y ai. Alors peut-être que là, tu je suis en train de dire quelque chose. N'importe oui. quoi. Mais alors voilà, je vais le dire avec suffisamment d'aplomb pour y croire. Et je pense que je vais recevoir 252 mails. Comment vous l'avez pu écouter? Enfin voilà, j'ai lu ça, c'est pour ça que j'ai... Et la personne n'a repris, donc peut-être que ça va juste rester dans ma tête, au fond. Il y a plein de choses, il y a des voix qui me parlent. Et on va vite noyer le poisson avec Alistair. Il paraît que Supertramp sur scène, c'est quelque chose. Ah oui, enfin, selon les époques, il y a cet album incroyable, donc le double live à Paris de 1980, qui a sans doute été largement refait en studio, mais c'est pas grave, on est content quand même. Double album qui est maintenant depuis une dizaine d'années doublé d'un film. Enfin, d'un documentaire qui reproduit tout ça très bien. Et là, on voit en effet un groupe qui est au sommet de son. Ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble, et c'est une maîtrise totale. Voilà, et c'est quasiment. Moi, c'est une porte d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas Supertramp, absolue et parfaite. En revanche, moi, bon, je suis pas si vieux que ça, donc en 80, j'étais né, mais j'étais pas au pavillon de Baltard. En revanche, je les ai vus en 88. Quand Rick Davies a continué l'aventure sans Hodgson. Et là, en effet, bon, j'avais 14-15 ans. Là, c'était un peu moins bien. Et c'était surtout la tournée où ils ont fait, où ils ont menti à Hodgson, parce qu'ils ils avaient promis ils à Hodgson de ne pas reprendre ses chansons. Sans lui, oui. Voilà. Et c'est là où ils ont trahi le pacte. Et donc, il y avait et un chanteur. Parce que lui, il est parti parce qu'il voulait fonder une famille, prendre un petit peu de recul. Oui, mais il voulait quand même qu'on respecte son œuvre, tout ça. Il faisait chansons séparées, hein. C'est important de le dire, Supertramp. Hein. C'était quand c'était un qui en avait écrit une. Il co-signait tous les titres, mais en fait, c'était il y en avait qu'un. C'est comme Lennon et McCartney, en fait. D'accord. Il y avait toujours un qui écrivait principalement le titre, mais il cossinait quand même. Alors le répondeur de Blockbuster n'est pas là uniquement pour parler des Cités d'Or ou des Gremlins, mais aussi pour parler de Supertramp. Donc si vous avez envie de partager un souvenir, une anecdote sur ce groupe, vous connaissez le numéro 01 56 40 30 20. Je crois par ailleurs avoir une bonne oreille et savoir instantanément quel titre deviendra un standard. Je savais que Logical Song marcherait. En fait, dès l'enregistrement de Breakfast in America, je savais que cet album serait un succès total avant même qu'il ne sorte. Le timing était bon, tout fonctionnait à merveille, ça sentait vraiment bon. The Logical Song tiré de l'album Breakfast in America, et on en profite pour remercier Céline Hila à la réalisation, Jeanne Par avait réalisé le cours à la préparation, et Tom Malkin, notre stagiaire, à l'exploitation. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Alors, on a entendu la modestie de Roger Hodgson juste avant la chanson. C'est vrai que il y a eu cette séparation, on en parlait pendant la chanson, entre Rick Davies qui a donc voulu continuer l'aventure Supertramp de son côté, et Roger Hodgson qui lui aussi interprète les chansons. Et Rick Davies est assez silencieux, assez renfrogné. Je suis très très perturbée quand je regarde les interviews de Rick Davies, c'est qu'il a vraiment pas l'air sympa. Il est très froid, il se prend très au sérieux, alors que on est d'accord, hein, c'est de la pop musique. On a l'impression quand même que Hobson, il est plus rigolo, il est plus fin, il est plus curieux. D'ailleurs, sa carrière solo après, elle est quand même beaucoup plus riche. Le Rick, il continue à faire du blues. Bon, il tombe malade, mais quand il se remet, il refait un vieux blues un peu ringue. Tout ça en se prenant très au sérieux. Moi, je dois avouer que c'est pas un personnage que je trouve attachant, Rick Davies. Geister ne pense pas pareil. Non, je pense que Roger fait bien son jeu aussi. C'est des stars aussi. Ouais. Faut pas. Et un artiste n'est pas là pour être sympa. On s'en fout qu'il soit sympa ou pas. Non. Il est là pour faire de la musique, pour faire rêver. Après, qu'il soit sympa ou pas en privé. Il y a une douceur chez Roger Hodgson qui n'a pas chez Rick Davies. Rick Davies, il est quand même dans la musique, oui. Rick Davies est peut-être très timide aussi. Vous pensez à vous. Non, pas forcément. Non, hein. Moi, je parle beaucoup, donc je suis pas. Non, je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une affaire de gros sous derrière tout ça, parce qu'il y a eu apparemment des tentatives dans les années 90, notamment de reformation, qui ont tout échoué, et selon alors les Rick fans. Rick Davies voulait que sa femme soit manager déjà. Non, c'est la femme de Rick Davies qui est manageuse du groupe depuis que Hodson est parti. Et ah oui, il paraît que c'est la femme de Rick Davies qui est plutôt. Très sympa. Et que la tout marque suite, ça tombe sur sa femme. Et que la marque Supertramp est déposée au nom de Rick Davies, le trademark. Et voilà, c'est ça change moche. Tout. C'est ça moche. Change tout, les enfants. Mais moi, je pense que c'est un divorce qui, ça ressemble un peu à une situation de divorce. C'est-à-dire que Roger Hodgson, sur tous les plateaux, ça fait des années qu'il dit oui, mais on s'aimait énormément avec Rick. Il avait promis qu'il toucherait pas aux chansons que j'avais écrites. Et puis, en fait, j'étais même pas parti depuis 5 minutes. Le lendemain, je le retrouve avec un autre chanteur. Et donc, forcément, le grand public se met à juger parce que les gens jugent. Mais oui. Et je pense que Rick Davies, peut-être qu'il en a tout simplement marre d'entendre tout le temps Roger Hodgson dire ouais, mais voilà mes chansons, mais je l'aime quand même. C'est vrai qu'il lui a volé ses chansons. Oui, c'était une. En même temps, je les connais même pas personnellement. Je vois même pas pourquoi je m'implique moi. En fait. McCartney fait la même chose. Il a attendu 5 minutes quand même. John Lennon est mort. Il lui a même pas demandé son autorisation. Donc bon. Mais ça, les gens le font. Les gens ont pris le melon. Ils meurent sans qu'on leur donne la permission. C'est pas pareil parce que sur les Beatles, justement, c'est ce que je disais. Sur les Beatles, on est sur un vrai groupe, sur des gens qui se connaissent depuis l'enfance, l'adolescence, qui ont monté un groupe ensemble, qui ont fait des tournées ensemble, etc. Et puis qui, à un moment donné, deviennent un groupe. Mais sur Supertramp, c'est pas le cas. On est vraiment quasiment sur un boys band. C'est un groupe qui a été créé de toutes pièces, avec des auditions. C'est pas vraiment une rencontre d'artistes. C'est vraiment un groupe qui a été fait pour fonctionner. Oui, sur audition. Oui, mais donc à partir de là, il y a tout un business. Chacun écrit ses chansons. Chacun, il y a un moment. Ça paraît évident qu'il y ait le respect de l'un ou de l'autre. En tout cas. Oui. Céline, la réalisatrice, me dit dans le casque, mais au final, ce sont les fans qui comptent. Et ça, oui, c'est beau. Et vraiment. C'est vrai. C'est la voix de et l'amour. Céline, alors, en préparant cette émission, parce que cette animation, ça n'a rien à voir. C'est en préparant cette émission, de nombreux fans, justement, m'ont parlé de la chanson Hide in Your Shell. Et moi, j'étais chaud patate pour la passer. Le problème, c'est qu'ensuite, j'ai vérifié, elle fait 7 minutes. Et que lorsqu'on passe une chanson de 7 minutes à l'antenne, ça fait 15 ans en année de programmateur musical. Oui. Donc, on va en passer et un petit morceau. All through the night, as you lie awake and hold yourself so tight, what do you need? A second-hand movie star to tend you. I, as a boy, I believe the same, the cure for pain was love. How would it be? Thank you. Mélanie Bauer, pendant Hide in Your Shell, vous avez levé le doigt. Oui, j'ai levé le doigt, j'ai comme l'habitude, à comme à part Jupiter, quand je veux dire un truc, je lève le doigt. Non, il est intéressant ce morceau parce que c'est un aspect dont on n'a pas parlé, mais ce qui est intéressant dans Supertramp, c'est cette rencontre entre la Californie et l'Angleterre. Et sur ce morceau, on entend très très bien ce mélange de cette pop anglaise qui vient des Beatles et des Beach Boys et du son californien, surf, etc. Et c'est aussi un des aspects très intéressants dans Supertramp et qui a permis ce succès mondial et qui a rassemblé les gens. Mais je suis tellement content que vous l'ayez dit. Mais oui. Mais parce qu'en fait, j'ai fait cette émission juste pour parler de la fusion Angleterre-Californie. Et vraiment, je suis content que quelqu'un ait remarqué. Vraiment, merci. Merci. Ouais, mais ça fait geek, c'est ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, je l'avais vu aussi, mais ça faisait vantard de le dire moi-même. Donc, Et Alistair, je suis curieux. J'aimerais bien savoir quelle est votre chanson préférée de Supertramp. Alors, ma chanson préférée de Supertramp, je pense que c'est... Tu vois, il a des questions difficiles. Hein. Non, mais c'est une question... Sur une île déserte, t'emmènes quelle chanson? Une qui est sur Crime of the Century, mais qui s'appelle Rudy, qui est une chanson de Rick Davis. Et qui est pareil, qui dure 7 minutes 20. Ou 20. Et notamment dans sa version live à Paris, où elle est extraordinaire, elle est très bien en studio aussi. Mais je crois que c'est vraiment une chanson. Alors, il y a des questions d'architecture quasiment parfois dans les compositions, et notamment de Rick Davis. Hein, c'est des longs crescendo comme ça. Et donc, c'est une de mes préférées, voilà, mais il y en a tellement, c'est comme ça parce que ça me vient en tête. Geister ? Moi, je pense que c'est Bloody Well Right. Il y a un côté très cabaret dans leur musique, je trouve. Et cette chanson caractérise bien ce côté-là. Encore une fois, Rick Davis, je sais que Mélanie a peu de sympathie pour lui, mais non, mais, non, mais elle a l'air dure avec Rick Davis comme ça. J'ai dit que mon animal totem, c'était le mogwai. Elle sépare l'homme de l'œuvre. C'est ça le problème, exactement. Mais non, je pense qu'il est aussi important que Roger. Que Roger. Yeah. Donc vous militez pour une réhabilitation de Rick Davis. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait deux teams, en fait. Il y avait la team Rick, et rien à voir avec Walking Dead, hein, mais la team Rick Davis et puis la team Roger. Et que désormais, voilà, il y a l'impression qu'il y a deux super trompes qui se promènent comme ça. Bah, c'est eux qui l'ont voulu, hein, ils l'ont un peu cherché en continuant à tourner chacun de leur côté. L'un qui a le droit d'utiliser le nom, l'autre, enfin, pas l'autre. Bon, ils ont un peu créé la situation. Après, les fans ont toujours eu des préférences. Ils ont des voix très différentes. Oui. C'est presque extrême. Un qui a un peu une voix assez grave, l'autre dans les suraigus. Donc il y a un grand écart au niveau des voix. Donc forcément, on a une préférence. La preuve, Mélanie. Ah bah moi j'ai choisi mon camp, ouais. Raining Again, extrait de Famous Last Words, sorti en 1982. Et moi, à chaque fois que j'entends ce morceau, c'est la dernière collaboration entre Rick Davis et Roger. Moi, je trouve ça met une patate. Alors qu'ils étaient au bord de la séparation. C'est la Californie. En même temps, on sent, il y a un côté suicide. Là-dedans? Ouais, il y a un côté hyper glauque, je trouve. On entend, bien sûr, il y a le côté ensoleillé. Ça va bien, sinon, Gaïsta? Et je trouve qu'il y a un côté super glauque dans cette chanson. En plus, It's Raining Again. Ouais, il pleut de nouveau. Mais moi, je suis au Rhin, donc forcément, la pluie, ça me fait pas peur. Mais en même temps, c'est ça comme une mauvaise nouvelle. C'est ça la magie Supertramp, c'est cette ambivalence qu'il y a entre le côté hyper ensoleillé et le côté très mélancolique. Too bad I'm losing a friend. Ouais. Ah oui, mais alors, s'il faut commencer à maîtriser l'anglais pour... Il pleut encore. Heureusement qu'ils ne me demandent pas de l'aide en anglais, parce que moi j'aurais l'impression qu'ils sont plutôt de bonne humeur. Et le clip d'ailleurs à l'époque était un super clip, un des premiers clips qui passait en boucle sur MTV, était assez triste aussi d'une certaine façon, un peu marrant mais triste. Enfin, c'est évidemment ce que vient de dire Gaël, c'est ça quoi. Esther, c'est le mélange qu'avaient les Beatles aussi, hein. Oui. Marrant, maîtrise, enfin toujours ouais. ce truc. Donc en fait, c'est une chanson triste là, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est très non, mais je suis d'accord avec vous. En revanche, c'est en effet dès que ça, en plus ça commence tout de suite sur le chorus de saxo, dès que ça passe à la radio, ça quand même tu. Ok, alors là, au témoin d'un doute, on est d'accord que les Dardennes, c'est des réalisateurs de comédie. Non, mais c'est le principe de la pop, d'écrire des choses très, très tristes ou très fortes en émotion et de derrière, utiliser une musique qui soit en contraste. D'ailleurs, c'est souvent les gens, les artistes les plus torturés qui font la musique la plus joyeuse. Oui. Dans l'histoire de la musique, si on regarde un peu leur vie, oui. La vie des artistes et leur œuvre. C'est souvent les plus torturés qui font les choses les plus gaies, quoi. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que, leur succès international, il a commencé, enfin ça s'est fait en 79, et Roger quitte le groupe en 83. C'est ce qui veut dire qu'en fait, ils ont profité de leur âge d'or, mais de manière très très courte, ça a été très ramassé dans le temps. Ils ont joué 14 ans ensemble, quand même. Oui, mais quand ils se sont fait connaître avec Breakfast in America, it was very short. C'était court. Et en même temps, c'est assez logique parce que Roger Hodgson estime que le succès de Breakfast in America, et à juste titre parce que les trois gros tubes, enfin, il y a Goodbye Stranger de Rick Davies, mais Logical Song, Breakfast in America et Take the Long Way Home sont des chansons de Hodgson. Et je pense que humainement, il doit se dire. Bon, c'est mon album. Et puis en plus, Rick Davies a dit cet album il vaudra pas un clou, ils ont parié voilà. $100. Et c'est Hodgson qui a tout fait en studio et tout ça. Mm. Et donc il y a un moment, humainement, il doit se dire les mecs, moi je peux le faire tout seul. Hein. Ce qu'il va tenter de faire immédiatement après en sortant deux albums solo, et il se rendra compte qu'il lui manque un truc quand même. Hein. Ça se refait pas la magie. Mais je pense que lui doit se sentir à un moment. Et ça, c'est le succès qui crée ça. Alors après, il y a peut-être des problèmes de thunes, parce qu'ils partagent, ils co-signent tous les deux, donc ils partagent les royalties, donc c'est 50-50, il y a un moment où tu te dis... Alors que c'est moi qui ai tout fait, ouais. Et qu'en plus tu croyais pas à l'album... Voilà. Mmh. Oui. Ah, c'est vraiment un divorce. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est sûr. Hein. Mmh. Et alors, est-ce qu'il y a des héritiers de Supertramp aujourd'hui? Moi, je sais qu'en écoutant les albums, j'ai... Non, c'est pas des plagiats, mais j'ai retrouvé un son, notamment dans la scène électro, Phoenix, même Daft Punk, où il y a vraiment certains morceaux où tu te dis, mais ça aurait pu être fait par... Dans le cas de Daft Punk, c'est plutôt des clins d'œil. C'est un peu les spécialistes du clin d'œil. Quand on écoute leurs albums, il y a des clins d'œil de partout. Enfin, c'est parfois même plus que des clins d'œil. C'est quasiment du plagiat, même si c'est pas... Légalement, c'est pas ça. Mais non, dans les héritiers, oui, il y a un artiste qui est très bien, qui s'appelle Geister. Ah, mais alors, je le connais. Mais oui. Non, mais je pourrais. Non, je sais pas. C'était un début de phrase, ça? Non, Justice, Daft Punk, non, moi je le citerai non, pas dans la continuité. Non. Mélanie? C'est assez vaste comme question parce que le revival 80s, on en a bouffé pendant 30 ans quand même. Donc, Supertramp étant un des groupes majeurs des années 80, à chaque fois qu'il y a eu un revival, on a chopé un clavier, on a chopé un type de prod, on a chopé des voix. Vous avez cité Phoenix. Effectivement, pour moi, c'est cette école-là, Château Marmont, c'est toute cette école. Mais je crois que l'influence de Supertramp, on la retrouve dans toutes les kitscheries de toutes ces nouvelles générations qui vont chercher ce son un peu 80s pour le transformer en quelque chose de nouveau, quoi. Autant je suis d'accord avec toi. Il y a Alistair qui a dominé. Autant je suis d'accord avec toi sur moi. En plus, je fréquente cette génération. Mais oui. Et alors si ça ne se sent pas dans la musique, en revanche, quand tu parles avec les uns et les autres, entre nous, tout le monde respecte énormément Supertramp. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des morceaux à la Supertramp, mais tout le monde respecte, machin. Là où je ne te suis pas, Mélanie, ça fait deux fois. T'as déjà dit ringard tout à l'heure, et là tu dis kitscherie. Mais c'est pas des kitscheries. Moi, j'ai passé des heures en studio à écouter Breakfast in America, et on n'est pas là à rigoler sur des kitscheries. On est là à se prendre la tête sur une prise de son qui est démentielle, démentielle. C'est vrai. Voilà, donc c'est hyper sérieux. Mais en fait, moi, ce qui compte, c'est qu'à la fin de cette conversation, vous soyez sur un terrain d'entente. Mais oui. Et ça, c'est mais beau. On l'est toujours depuis des années. Bien sûr. Voilà. Mais en revanche, là, je suis d'accord sur toute la French Touch, tout ça. C'est, Et Supertramp est un phénomène très français. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, le fameux live dont tu parlais, qui disait que c'était en 80, qui était en 79 à Paris, c'est vraiment un live qui a été très, très, très, très, très important, très marquant. Hodgson continue sa carrière en France, il a créé Excalibur à un moment donné, un grand opéra en France, il a vécu en France, pour eux la France, bon, Rick Davis, il a été décoré des chevaliers des arts et des chevaliers lettres, des arts et des lettres. Rick Davis Lester, beaucoup moins, il est toujours un petit peu bouseux aux États-Unis, mais Hodgson a vraiment elle gardé a envie de ce lien avec la France. Je suis désolé, je la retiens pas. Hein. Non, mais on la laisse. Alors on va jouer avec Quentin après Dan Kroll, et qui, vous allez l'entendre, a une certaine proximité avec Supertramp aussi, moins Geister, à mon avis. Et pour cela, on dit merci Muriel Pérez, notre programmatrice musicale, et j'ai envie de dire merci la vie. Gonna pick something up to ease my mind with long haul flying. And maybe there's a possibility I'll drift away so unaware. My sense on what's reality. But who knows what comes next? I can only interpret text, but I hope when I pass the glare that you're with me there. Maybe I should have listened closer to what you had to say. C'était Dan Kroll avec Stay in LA et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Quentin au téléphone. Bonjour Quentin. Bonjour Frédéric, bonjour à tous vos invités. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a affaire à un connaisseur de Supertramp ? Alors, j'ai beaucoup révisé avant l'émission. Oui. Mais j'ai découvert malheureusement le groupe assez tard. pendant mes années fac, donc je suis pas un vrai connaisseur, mais j'aime bien. Oh bah c'est presque plus long que moi. Hein. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu? Oui, mais j'aimerais bien un petit rappel, s'il vous plaît. Oh, on m'y connaît bien, les rendez-vous du... C'est facile, je pose une question, vous avez 25 secondes pour y répondre, et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire appel à un joker, c'est-à-dire à un des invités qui est autour de la table, pour répondre à votre place. Parfait. C'est bon? On y va. Oui. Qui a soutenu financièrement la création du groupe Supertramp en 1969? Wow, ça c'est une question difficile. Ah oui. J'ai demandé un joker tout de suite. Alors, à qui fait-on appel? Geister, Mélanie Bauer ou Alistair? Mélanie. Ah, bah, c'est... Alors, c'est un néerlandais. Oui. Et son prénom c'est Sam et son nom de famille c'est Arfnabesnech. Oui, ouais, exactement, c'est comme ça que je l'aurais dit. Alors, ouais. C'est la bonne réponse, mais en fait, le nom, depuis tout à l'heure, vous avez vu déjà le mal que j'ai avec le français, l'anglais c'est encore pire. Alors, le néerlandais, j'en parle même pas parce qu'il s'appelle Stanley August Misegeis. Oui, c'est ça, Stanley August Misegeis. Misegeis. Voilà. Et donc, voilà, il soutenait déjà le groupe The Joint dont faisait partie Rick Davies. Et c'est Sam qui a suggéré à Rick Davies de créer son propre groupe. Il les soutient jusqu'en 1971, puis constatant l'échec commercial de leur second album Indelibly Stamped, il cesse de financer le groupe. C'était des dessins de Nana tatouée, la pochette. Ah oui, bah oui, c'est voilà, c'est un grand classique. Question suivante. À combien d'exemplaires s'est vendu l'album Breakfast in America aux États-Unis? 3 millions? 4 millions? 20 millions? Moi, j'ai 20 millions en tête. Oui, mais vous êtes sûr? Parce que... aux États-Unis, 20 millions, c'est dans le monde, c'est ça? Exactement, c'est ça, voilà, il est là le piège. Donc, j'ai dit entre 3 et 5, puis c'est pas tout. 4. 5 millions. Bah, vu que je ne l'ai pas donné, c'est bien d'inventer des réponses que je ne donne pas, j'ai dit 3 ou 4. À 3 ou 4, on va dire 4 millions. Eh bien, vous avez raison, c'est le plus gros succès de l'histoire du groupe. Dernière Parfait. Question. Quel est le titre du morceau que vous allez entendre? Ah, coupe, coupe. Non, Céline, je t'ai dit Babaji, pas Babacar en fait. C'est vas-y, remets le nom. Alors, quel est le titre du morceau que vous allez entendre? Babaji. Oh, vous êtes trop fort! Bravo! Voilà. Eh bien, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster. De toute façon, même si vous aviez répondu faux tout le temps, je vous l'aurais quand même envoyé. Qui sortira au mois d'octobre en partenariat des éditions Radio France et Marabout. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir choisi. Au revoir. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous tous, merci Mélanie Bauer, Geister et Alistair, vraiment. Si jamais il y avait un album de Supertramp pour découvrir comme ça à conseiller rapidement. On n'a pas le temps. Non. Bah, elle connaît Céline, elle dit, oui, bon bah alors. Non, moi je l'ai dit tout à l'heure, le live à Paris de 1980. On reste là-dessus. 79. Je rappelle aux auditeurs 80. Que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler directement avec moi sur la page Facebook de l'émission. Il y a également le Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. Une dernière chose. Il est très dangereux de se marier quand on fait partie d'un groupe, que ce soit pour la nana ou pour le musicien. Donc petit conseil, établissez un contrat à durée déterminée avec les autres membres du groupe. La vie peut changer vos plans très rapidement. Et on se retrouve demain pour parler d'une des dernières grosses claques du monde du jeu vidéo, Last of Us.